Mi si sol si sol si sol si sol ré si sol mi sol sol la ré pour ré pour fa ré pour fa la ré pour ré si sol mi si sol mi si sol si sol si sol si sol ré si sol mi sol po si mi sol po si ré si sol mi si sol mi sol si sol si sol mi sol. Johnny est un chanteur belge, de Solène Denis. Et pour finir la cuisine. Deuxième épisode. Cool. Ah ouais, pas mal. Et voilà les clés. Merci. Ah oui, une dernière chose. Faites gaffe, le ballon d'eau chaude n'est pas immense. Donc pas 3 heures chacune sous la douche, sinon il n'y aura plus d'eau chaude pour la dernière. Ok. Bah voilà, bah, c'est tout. T'as entendu ça? T'as entendu Julie? Et s'il y a un problème, n'hésitez pas à m'appeler, ok? D'accord. Okay. À dimanche. Merci beaucoup. À dimanche. À dimanche. Salut. Chez nous pour 3 jours. Elle a même pas l'accent, je suis déçue. Si ça se trouve, elle est même pas belge. En tout cas, elle est carrément jolie, carrément mon genre. Genre carrément, je lui aurais bien proposé de rester avec nous. Non, non, mais elle avait pas l'air goudou du tout. Ah oui, donc toi, t'as un radar à goudou en fait. Non, mais quand même, ça se voit qu'elle aime le chibre. Bah quoi? Bon, je vais aux toilettes. Oh non, regardez là, sous le canapé, regardez ça. Quoi, quoi? C'est plein de poussière. C'est plus des moutons, là. C'est carrément des yétis. Oh, mais t'es chiante. Sérieux, tu passes un coup de balai, on n'en parle plus. Je suis pas chiante. Je suis allergique. Le balai, ça fait voler la poussière. C'est pire encore. Non, un aspirateur ou rien. Il n'y en a pas. Bon, bah, je prends le lit. La chambre, elle est plus propre. Je dors avec toi. Oh, bah, super. Donc, c'est moi la connasse qui vais dormir dans le salon. Je vais être réveillée à chaque fois qu'il y en a une qui passe. Merci, c'est cool. Oh, ça va, mais tu te lèves toujours la première. Mais tu peux pas imaginer que j'ai changé? Ouais, c'est vrai, t'as changé. Avec un bébé, tu te lèves encore plus tôt qu'avant. Mais non, mais justement, je voulais en profiter pour faire la grasse mat ici. Moi, je vais même apporter du Lexomil. Non. Bah si. Mais c'est de la drogue, t'es folle, c'est hyper addictif. Je fais quoi du PQ? Dans la poubelle à côté, elle a dit, hein. C'est un sani broyeur, faut rien mettre dedans. Ah oui, mais et si je l'ai déjà mis dans les toilettes, tu crois que je le récupère ou c'est pas trop trop grave? Ah putain, tu l'as mis dedans. Ah, mais j'ai pas fait exprès là, c'est un réflexe. Bah, vas-y, récupère-le, tu vas boucher le truc. Mais avec les doigts? Qui veut un café? Comment ça, qui veut un café? Bah, quoi, je fais du café. Bah, on va pas prendre le café de la proprio, quand même. Oh, ça va, 3 petites tasses, ça va pas en mourir. T'en veux? Non. Il est où, ce café? Tu l'as récupéré, hein? Non, mais Anaïs, le PQ, tu l'as récupéré. Mais oui, ça va. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors... J'ai fait un petit programme. T'as fait un programme? Bah ouais, si on veut optimiser le week-end. Alors, aujourd'hui, on va se manger des frites à la maison Antoine. Mmh. Non, mais la meuf, elle a imprimé les sites internet et tout stabilo. Élu meilleure frite du monde par le New York Times, s'il vous plaît. Hein. Après, on se fait musée Magritte. Demain matin, marché aux puces. L'après-midi, musée Beaux-Arts. Et puis, on enchaîne sur le Mannequin Piece. Et après-demain, on file à l'Atonium avant de partir parce qu'il faut quand même pas qu'on le rate, quoi. Ouais. Oh, ça vous dit pas de louer des vélos? Ok, j'ai rien dit. Et il faudra quand même qu'on ramène du chocolat. Hein. On est en Belgique. Ah oui, et toi, bizarrement, le chocolat, t'es pas allergique. Hein. Ok, bon, bah alors, du coup, demain, en plus, on ira à la boutique Pierre Marcolini. Ah non, chez Godiva, c'est les meilleurs. Mais Godiva, mais t'es folle, ils sont hyper gras, leur chocolat. C'est ringard, Godiva. Marcolini, c'est hype. Oh putain, t'es chiante avec ton hype. Moi, je dis Godiva. Eh ben, on ira et chez Marcolini et chez Godiva. Hé, hey, Sarah. Tu bois le café qui est pas à nous. Oui, bon, ça va, c'est bon. Là. Oui, allô, mon lapin. Oh non, c'est pas vrai. Les filles, Marco a vomi. Bravo. Bravo. Non, mais rien, mais... Non, mais je leur avais dit que t'avais jamais changé les couches d'Ava et que sans doute tu vomirais, donc voilà, ça c'est fait. Mais non, mais on se moque pas de toi, mon lapin. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Elle l'appelle mon lapin. C'est hyper humiliant, non? Mais non, c'est l'amour. Bah, c'est humiliant, l'amour. Qui a envie d'être pris pour un lapin, franchement? Bah, c'est mignon, un lapin avec ses petits yeux, là, et son petit nez qui remue sans cesse. Oh, c'est bien à la moutarde, ouais, mais... Elle pourrait l'appeler mon civet, ça me ferait le même effet. Ou peut-être que c'est parce qu'il lui fait l'amour comme un lapin. Oh, t'es con. Oh, non, merde. J'ai l'image de lui tout empressé, là, tombant sur le flanc après 30 secondes de copulation. C'est horrible. Imaginez ses amis faire l'amour, c'est vraiment horrible. Non, je sais. En fait, c'est que ça porte bonheur, une patte de lapin, tu vois. Peut-être c'est ça, en fait. Marco, c'est son porte bonheur à Sarah. Ah ouais. Tu te rappelles, avant, elle était pas entière, même pas finie. Elle était comme perdue, un peu. Tu vois, il lui manquait un truc pour être bien. Et ben, peut-être que comme elle a pas eu vraiment de famille, c'était important pour elle d'en fabriquer une, tu vois. Être la mama, avec son italien. Ouais. N'empêche, elle est relou avec son programme. Je suis pas sa fille, moi. Comment tu fais, toi, pour être toujours cool comme ça? Bah, c'est dans ma nature, hein. Je suis pas chiante. Oh, mais je vais peut-être bouger les chiottes, par contre. Arrête, t'as pas récupéré le PQ? Non. Oh non, merde. On lui dit pas. Non, on lui dit pas. Ils ont des enfants, il faut faire confiance un peu, sinon on est toutes sauvages. Mais tu me fais pas des trucs hein, pendant la nuit. Des trucs? Ouais, des trucs de goudou. Ah, mais oui, bien sûr, comme je suis lesbienne, je me tape toutes mes copines, évidemment. Non, mais c'est pas ça, mais... À chaque fois que tu dors avec un mec, tu couches avec lui, toi? Bah ouais. De toute façon, t'inquiète, mais pas du tout, genre... Ah bon, pourquoi? Bah, je sais pas, c'est comme ça. Et puis c'est nul, tu sens même pas sous les bras. Oh. Ok, c'est bisous. Oh, faites des gosses, je te jure. Bon, je vais faire un petit pipi, j'arrive. Nassim m'a même pas répondu à mes smileys, je me sens seule. Eh ben oui, comme tout le monde, on est tous seuls. Du coup, j'ai envie d'écouter Johnny Hallyday. Ça me console. Que je t'aime, c'est celle-là que j'aimerais écouter. Il parle d'amour, ça commence dans un sourire, puis ça finit dans un cri. C'est hyper beau. Ça sent le cul, c'est sûr, mais c'est parce qu'on est des animaux, c'est ça qu'il dit. Au début, tu crois que c'est trop bien écrit pour que ce soit sincère, et puis finalement, tu te rends compte que le mec, il souffre, je te jure. À 2 minutes et 20 secondes, on l'entend pleurer comme un loup qui renifle. Attends, je dois l'avoir dans mon téléphone. T'es sûr que c'est une bonne idée, ça? Bah ouais. Putain, mais ils sont tout bouchés, Anaïs. Anaïs, je vais te tuer, hein. Oh, ça va, là. Mais non, mais je suis pas bien non plus, en fait. Je t'ai sécu comme ça. Non, mais je suis pas là. Je veux pas regarder mon père. C'était Johnny est un chanteur belge, de Solène Denis, avec Maëlys Ricordo, Julie, Élodie Hubert, Sarah, Marie-Odile Weiss, Anaïs, Sarah-Jeanne Drio, la propriétaire. Bruitage, Patrick Martinache, conseillère littéraire, Céline Geoffroy, prise de son, montage, mixage, Philippe Bredin et Emmanuel Armingue, assistant à la réalisation, Félix Levaché, réalisation, Pascal Deux. Que je t'aime quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts